promets. J'ai pris un nouveau départ, comme si l'épreuve était passée. J'ai vu la lune dans le noir. Un jour le temps est mon allié, un jour le temps nous sépare. Me soigner, j'ai bien essayé, mais y'a que le temps. C'est un long trajet, j'ai vagabondé. Mais pour aller où, pour aller où? J'ai pris des crochets sans même riposter. Il pleut des crochet sans même riposter. Il